Les belles rencontres. Voici la conclusion de l'entretien réalisé par Anne Bergeron avec Jeannine Bourret. Fatigante, t'as touché à tout, t'as fait de l'aquarelle. Pourquoi t'as délaissé l'aquarelle? Parce que tu disais tantôt... C'était pas un médium qui m'allumait tant que ça. OK, qui avait... Okay. Je dis pas que c'est pas un bon médium, mais pour moi, c'était pas c'est le ça. Médium. Il y a quand même des médiums qui nous rejoignent plus... Oui. Face desquels on a une inspiration. Comme quand j'ai découvert la gravure, ça a été la gravure. Pour moi quelque chose de fantastique. Là. Puis je voulais revenir à ça, parce que quand tu as fait la gravure, puis que tu as resté 25 ans en enfer, puis à enseigner, tu as dû vraiment développer beaucoup d'habileté pour... communiquer aussi avec le monde pour que le message puisse passer et tout ça. On m'a dit que oui, je sais pas. Moi je trouvais ça difficile. J'allais donner des cours, je me rappelle. Je me levais vers 6 heures le matin, je travaillais 2 heures dans mon atelier, je prenais une douche. Je montais à Québec. Je donnais en avant-midi un cours de 2 heures. En après-midi, un autre cours de 2 heures. En soirée, un autre cours de 7 heures à 10 heures. Je partais de Québec à 10 heures. Je revenais dans mon atelier. Je travaillais une couple d'heures. Parce qu'il fallait que je repasse tous les ateliers que j'avais donnés. Est-ce que j'avais donné les bonnes informations? Est-ce que j'avais oublié? Okay. C'était l'inquiétude sans arrêt. Et j'ai arrêté de donner des cours parce que je trouve que ça mine. Ça vient chercher beaucoup d'énergie. Peut-être qu'il y a des gens qui sont faits pour donner des cours. Mm-hmm. Puis il y en a d'autres qui sont anxieux et je fais peut-être partie de ce groupe-là. Alors que les gens m'en reparlent aujourd'hui, me disent à quel point ils aimaient ça. J'ai donné à un moment donné à la QTR. L'Université du Troisième Âge de Sherbrooke. Ah oui, j'ai donné une conférence sur la gravure. Ah oui. Les gens m'en parlent. Et moi, ça a été... Tu y as pensé longtemps. Oui, c'est ça. Puis longtemps après. Mais c'est parce que c'est ça, quand on a le souci aussi du détail, quand on fait de la création, c'est du détail, beaucoup. Fait que ce souci-là de le transmettre, c'est quelque chose aussi. Ouais. Là, je vais le refaire cet été, parce que je fais à Georgeville, le Festival des Arts à Georgeville l'été prochain, c'est-à-dire au mois de juillet. Et il y a une journée où je vais donner, je vais expliquer un peu ma carrière. D'où je suis partie, où est-ce que je suis arrivée, par quel chemin je suis passée. Alors, parler de la gravure, de la peinture, papier fait main, bijoux, comment tout ça c'est... C'est arrivé ensemble. À Georgeville, c'est... Il y a un musée qui s'appelle de l'éléphant, j'ai dit ça? Ah, c'est pas un musée, c'est une vieille grange qui est transformée en centre d'art. OK. L'été. Oui, ouais. C'est bien. Il s'est donné beaucoup de cours il y a quelques années. Mais c'était un centre d'art dans un endroit rustique. Oui, un bel endroit. Oui. C'est là que tu vas donner ta conférence? Oui, je vais exposer et je vais donner une conférence. Oui, ben, une conférence, une causerie. Oui. Fait qu'on pourrait dire, si on fait un grand parcours, parce que ton parcours est immense comme la mer, on pourrait dire, parce que justement, c'était l'eau, beaucoup l'eau, qui était un peu, on a parlé un petit peu avant, comme qui était le fil conducteur. C'est ça. Puis la nature aussi. Parce que dans le fond, on est sans cesse en interrelation avec la nature. On peut pas s'en dissocier. Non, c'est ça. Et puis... je voulais te demander aussi, pour créer, est-ce que tu préfères le faire toute seule ou si parfois tu fais des ateliers libres avec d'autres artistes? Ça arrive quelquefois qu'on fasse des ateliers, mais je dois dire que la vraie création, ça se fait tout seul dans ça un atelier. Ça se fait tout seul. Puis, je connais pas vraiment des artistes qui vont faire le plus gros de leur travail en atelier. Et même... En atelier d'artiste, tu veux dire? En atelier, en groupe. On est plus... Tous les artistes sont à peu près comme ça. On est des individualistes dans notre création. Des solitaires un peu on aussi. On partage... Oui. C'est le fun des symposiums ou des ateliers créés à deux, trois. Et ça, c'est des périodes très courtes. Mm-hmm. Le gros du travail, on est des solitaires. On est, oui, oh, c'est un travail de solitaire. Puis, on dit qu'on est solitaire, mais en même temps, c'est tellement nourrissant. Oui, mais on a besoin ensuite de partager. De partager, c'est ça. Tout est dans le partage, mais ça vient avant de nous autres. Mm. Ensuite, tu fais des symposiums aussi. Mais on a fait pas mal de... un petit grand tour de ta belle carrière, vraiment, c'est une belle découverte de t'avoir fait, t'avoir interviewé. Merci, ça a été agréable. Puis, je voulais juste te dire, parce que t'es toujours active, donc on peut admirer tes œuvres qui sont en permanence à la galerie Artazo à Sherbrooke. À l'atelier Galerie Artazo sur la rue Wellington. Sur la rue Wellington. Ouais. OK. À la galerie Art et Style de Baie-Saint-Paul. Ah, là, je ne suis plus là. OK. Là, j'ai laissé tomber ça. C'était trop loin. C'est loin, hein? Le monde des galeries, ça va et ça vient. OK, oui, ça c'est vrai. Puis là, est-ce que tu as des tableaux au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke? J'ai dans la collection du Musée. Mais ben là, c'est une belle, un bel honneur. Oui. Belle reconnaissance. Quand j'ai exposé au musée, il y a quelques années, j'ai exposé au Musée des Beaux-Arts de Montréal. De Montréal? Oui, oui. Oh. J'ai fait beaucoup d'expositions un peu partout, là, tant à New York. À Paris, au Grand Palais. Ah oui. En Espagne, en Angleterre. Eh bien, quelle belle expérience. Il faut faire voir ces choses. Hein? Oui, il faut aussi se déplacer, puis il faut être à l'affût, être à lire. C'est ça. Puis y aller aussi. Ouais. Pour rester dans son. J'ai fait des livres d'artistes. J'ai fait des livres d'artistes. J'ai beaucoup fait des pages couvertures de livres. J'ai illustré des poèmes. On oublie tout ce qu'on fait. Mmh. On oublie. C'est vraiment complet, hein? Tu as vraiment fait... Quand je repense à ce que j'ai fait beaucoup de choses. Mmh. J'ai fait des émissions pour... j'ai déjà fait une émission sur la gravure à Télé-Québec. Oh oui! Une demi-heure. Oh mon Dieu! J'ai fait plein de choses. Mmh. Ouais. Mais il nous en reste encore beaucoup à faire. Oui. Parce qu'on aime ça. Oui, c'est ça, puis ça amène aussi toutes ces choses-là à quelque chose que peut-être tu sais pas ce qui peut arriver. Ah, ça, c'est non, ça, on ne sait pas. Non, mais c'est... Il faut être heureux dans la créativité. Moi, je crois pas vraiment. La créativité, le malheur pour créer, là, c'est pas fort chez moi. Bonheur, ça fait de belles créations. Ouais. Puis ben, tout ce que tu fais, là, c'est varié, c'est extraordinaire. Oui. Eh bien, puis là, tes prochains, cet été, là, tu vas aller à Georgeville. Je vais aller à Georgeville. Avant ça, je vais faire je fais à Whedon un petit circuit, mais moi, je fais pas ça à mon atelier. Je le fais à la Maison de la Culture. La balade des arts. La balade des arts, merci Anne. Et ensuite, je vais faire la grande virée artistique à Sherbrooke, oui. OK. À mon atelier sur la rue Wellington. Oui. Puis ensuite, je vais être à la Grange de l'Éléphant au mois de juillet. Eh bien, bravo. Ben, je te souhaite un bel été, une bonne chance dans tout ce que tu fais. Et puis, merci et super infiniment, Janine, pour avoir mis en lumière toutes tes différentes avenues d'expression artistique par ton engagement et ton exploration. Tes créations se démarquent et procurent un baume et une luminosité dans notre vie quotidienne. Merci. Et c'est vrai. Merci, c'est vraiment très gentil. Ça a été agréable de passer ce moment-là avec toi. Ouais, ça a été très partagé. Ce qui est bien, c'est que ça va être encore partagé par d'autres personnes. Alors, merci vous autres d'écouter. Oui. Alors, au revoir et merci. Bonjour, rebonjour. Une petite spécification est à apporter suite au bel entretien avec notre grande artiste, Janine Bourret, concernant les gravures au carborundum. En réalité, la caractéristique du carborundum est formée d'un composé dont le résultat est du verre en poudre. Ce verre en poudre est constitué de grains rugueux dont chacun retient l'encre et est le matériau parfait pour créer entre autres des demi-têtes. Merci beaucoup à Janine de cette précision. Bonjour et à la prochaine.